France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous et bonjour au public très nombreux qui faisait la queue ce matin, dès 9h du matin devant le Théâtre du Châtelet. Depuis 9 ans, la 42e rue, c'est la première émission sur la comédie musicale. On peut s'en vanter quand même, c'est chaque dimanche matin sur France Musique. Et le titre de cette émission est certes inspiré d'une fameuse rue de New York sur laquelle de nombreux théâtres de Broadway ont poussé. Mais le titre de l'émission rendait aussi hommage à l'une des plus brillantes comédies musicales de tous les temps. Et il fallait bien un jour que nous en parlions. Eh bien, ça tombe bien. Le Théâtre du Châtelet propose à partir de jeudi une toute nouvelle production de 42nd Street, en anglais donc 42e rue, qui est un véritable festival de claquettes et de paillettes et qui est, comme on dit, un backstage musical, c'est-à-dire que ça se déroule dans les coulisses du théâtre d'une comédie musicale en train de se préparer. Ce matin, nous sommes honorés et ravis de recevoir en direct dans le grand foyer du Théâtre du Châtelet les acteurs principaux qui ont bien du mérite. Ils étaient en répétition hier soir jusqu'à 23h pour un nouveau concert privé. Je vous propose d'accueillir grandement Ria Jones. Elle incarne dans 42e rue la star Dorothy Brock. Je vous propose d'accueillir Monique Young, la jeune débutante Peggy Sawyer. Alex Hansen, lui c'est le metteur en scène Julian Marsh. Dan Burton, l'acteur qui tombe amoureux de la jeune débutante. Jenny Bell, Carl Sanderson, qui incarne les auteurs du spectacle qui est créé sur scène. Et Gareth Valentine, le directeur musical de 42nd Street au Théâtre du Châtelet. Et notre hôte, le directeur du Théâtre du Châtelet, Jean-Luc Choplin. Et c'est Monique Young qui ouvre, alors franchement, comme il se doit, ce numéro exceptionnel de 42e rue par une chanson intitulée donc 42e rue. Monique Young, Gareth Valentine, en direct sur France Musique. You'll find a thoroughfare. It's the part of little old New York that runs into Times Square. A crazy quilt that Wall Street Jack built. If you got a little time to spare, I want to take you there. Come and meet those dancing feet. On the avenue I'm taking you to. Dancing feet on the avenue I'm taking you to 42nd Street. Hear the beat of dancing feet. It's a song I love, the melody of 42nd Street. Little nifties from the 50s, innocent and sweet. Sexy ladies from the 80s who are indiscreet. They're side by side, they're glorified. Where the underworld can meet the elite. Where the underworld can meet the elite. 42nd Monique Young. La jeune Monique Young qui interprète Peggy Sawyer dans 42nd Street, cette nouvelle comédie musicale à l'affiche du Théâtre du Châtelet à partir de jeudi. Alors 42nd Street, c'est une comédie musicale qui a été créée en 1980 par le metteur en scène et chorégraphe Gower Champion et qui est inspirée d'un film des années 30 dont les chorégraphies étaient signées Busby Berkeley. Le spectacle 42nd Street raconte la jeunesse compliquée d'un autre spectacle intitulé Pretty Lady. Et c'est d'abord un hommage aux chorégraphies impressionnantes de l'époque. Dans le film signé Busby Berkeley, on se rappelle ce réalisateur qui posait des caméras n'importe où, par exemple au plafond, on voyait des rangées de danseuses qui faisaient des figures géométriques impressionnantes. Eh bien, 42nd Street au Châtelet regorge de grands numéros que nous vous proposons ce matin en version acoustique et piano-voix. Voici par exemple deux chansons que vous connaissez certainement. Lullaby of Broadway, ça a été créé pour le film 1935, Chercheuse d'or de 1935, et puis We're in the Money. Voici toute la troupe ce matin réunie autour des micros de France Musique, avec au piano les directeurs musicaux Gareth Valentine. Come on along and listen to the lullaby of Broadway, the hip parade and ballyhoo. The lullaby of Broadway, the rumble of the subway train, the rattle of the taxis, the daffodils who entertain, and Angelo's and Maxie's. When a Broadway baby says goodnight, it's early in the morning. Manhattan babies don't sleep tight until the dawn. Jones, Monique Young, Alex Hanson, Dan Burton, Jenny Dell, Carl Sanderson, au piano Gareth Valentine pour ces deux numéros de 42nd Street. On est ravis d'être une nouvelle fois chez vous, Jean-Luc Choplin, bonjour. Bonjour, bonjour Laurent. Alors depuis notre premier concert, 42e rue, ici même, c'était avec la troupe de la Mélodie du Bonheur, je dois dire qu'on a eu beaucoup de plaisir à découvrir en avant-première sur France Musique, dans des concerts privés comme ça, vos productions de comédies musicales. Il y avait Un Américain à Paris, il y avait Chantons sous la pluie, il y avait toutes les comédies musicales de Stephen Sondheim. Et voilà, votre double mandat débuté en 2004 s'achève avec cette dernière production. Je suis sûr que vous n'avez pas choisi pour clore ce cycle au Théâtre du Châtelet, 42nd Street, par hasard. D'abord, je l'ai choisi pour vous, cher Laurent, puisque je voulais vous rendre hommage. Non, je veux dire, c'est très gentil. Sérieusement, je veux dire, c'était très... Évidemment, j'y ai pensé quand j'ai choisi 42e rue, très sincèrement, parce que vous avez été un compagnon de route avec nous. Et donc, c'est un merci de nous avoir suivis, de nous avoir encouragés, de nous avoir accompagnés. Donc, ça, c'est vrai. Effectivement, après 24, 25 maintenant, comédie musicale, pour le Châtelet, qui sont des productions Châtelet, c'est-à-dire que nous les avons fabriquées ici. Je voulais conclure, alors ce n'est pas la fin d'un mandat, c'est moi qui ai décidé effectivement, puisque le Châtelet va rentrer dans une période de travaux, de terminer mes années ici. C'est ma 11e saison au Châtelet, et je voulais terminer par un grand festival, par quelque chose d'éblouissant, par une célébration de New York, une célébration évidemment de cette 42e rue, par une célébration de la danse. Le challenge que j'avais, c'était comment faire un vrai festival de danse avec cette 42e rue qu'on a vue et revue, mais qui avait été déjà donnée il y a 25 ans à Paris, mais qu'on n'avait pas revue depuis. Donc, j'ai demandé à Steven Meir, chorégraphe, d'être en même temps le directeur de cette comédie musicale. Le challenge qu'il a, c'est d'être aussi bon que Jerome Robbins, quelque part, je veux dire, de nous épater. Et il l'est, il a produit quelque chose, vous allez voir dans quelques jours, d'absolument extraordinaire. Le niveau chorégraphique qu'il a accompli est époustouflant, c'est unique, je crois, dans l'histoire de la comédie musicale. On est dans le retour du grand Broadway avec cette œuvre. Et puis, j'ai tenu à réunir une distribution absolument exceptionnelle. On se demande toujours comment Jean-Luc Choplin, parce qu'apparemment, le Théâtre du Châtelet ne poste pas d'avis de recrutement. Donc, comment, en tout cas, je ne vois pas sur les sites, mais comment vous procédez pour recruter vos acteurs? Comment vous avez fait au cours de ces années? Alors, au cours de toutes ces années, enfin, nous commençons évidemment par recruter à Paris. Enfin, nous faisons des auditions, de nombreuses auditions. Et puis, on sélectionne. L'idée, c'est de sélectionner les meilleurs. Donc là, nous sommes allés à Paris, après nous sommes allés à Londres et nous avons fait des dizaines d'auditions pour sélectionner la cast, la distribution la plus extraordinaire qui soit. Il fallait ne pas se tromper pour 42e rue, donc nous avons la chance d'avoir des gens aussi formidables que Alex, que Monique, que Jenny, que Ria, Gria Jones, que Dan Burton, que Jenny Dale, que enfin, un chef d'orchestre aussi absolument exceptionnel avec Gareth Valentine. Donc il fallait rassembler une équipe formidable autour de Steven Meir et de pouvoir commencer cette production ici. Alors, 42e rue, on l'a dit, est inspiré d'un film en 1933. C'était la grande époque de la Warner Bros. Et c'était aussi une époque, je crois que je ne me trompe pas, où, en gros, les comédies musicales, les films comédies musicales commençaient à lasser le public. Et soudain, ce film va relancer la machine et renouveler le genre, justement, notamment grâce aux fabuleuses chorégraphies de très grandiloquentes, on va dire, en noir et blanc, géométriques, de Busby Berkeley, qui n'hésitait pas, par exemple, à placer une caméra au ras du sol entre les jambes de nombreuses danseuses, qui étaient placées sur une tournette. Dans le film, en 1933, c'est Ruby Keeler qui a incarné la jeune débutante, qui allait prendre la place de la star interprétée par Bébé Daniels. Et il y avait notamment une chorégraphie franchement sulfureuse, où Bébé Daniels passait en dansant d'un homme à un autre, tout en chantant « You're getting to be a habit with me ». Je vous propose de replonger dans le film de l'époque de 1933. Guys, does it make any difference to you? Gee, Billy, I've always been for you, ever since that first day. Places, everybody. Rehearsal with the orchestra. I'll be seeing you. Okay. Goodbye. You won't forget the modulation on the last 8 bars, will you? Okay. You forgot your handkerchief. All right, go ahead. Okay, Bill, tie it off. All those habits, hold them. Exactly how it started, but it started in fun. I just wanted someone to be gay with, just to play with someone. But now I realize that I could never let him go, and I'm going to tell him so. Every kiss, every hug seems to act just like a drug. You're getting to be a habit with me. Let me stay in your arms, I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. I used to think your love was something that I could take or leave alone. But now I couldn't do without my supply. I need you for my own. Oh, I can't break away, I must have you every day. As regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't get free. You're getting to be a habit with me. Can't break it. You're getting to be a habit with me. Thank you. people, you're going to get along. You know, in that young and healthy number when you walk downstage? Well, give it a little life, you know, sort of. And not a prep, sort of. Quiet, please! Retour en direct au concert privé au Théâtre du Châtelet avec la troupe de 42e rue. Alors à Paris, celle qui interprète cette star qu'on entendait à l'instant, Dorothy Brock, c'est Rhea Jones. C'est grâce à elle que le metteur en scène, Julian Marsh, peut essayer une dernière fois de monter un grand spectacle parce que c'est son argent qui met beaucoup d'argent sur la table. Et pourtant, elle ne l'aime pas, elle en aime un autre, un acteur qu'elle vient de surprendre avec la jeune débutante, d'où un chant meurtri, intitulé « I only have eyes », Rhea Jones, accompagnée par le directeur musical Gareth Valentine. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. A day without you, I need your love to see me through. You're not here by my side. Maybe millions of people pass by, but they all disappear from view. Maybe millions of people pass by, but they all disappear from view. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Bonjour Ryan Jones. Bonjour Ryan Jones. Bonjour. Vous regardez l'heure, pourquoi? Parce qu'il est tôt, c'est ça? Vous regardez votre montre? I know. Comment on fait pour... Je crois que vous répétez hier jusqu'à 23h. Ce soir, vous répétez jusqu'à 23h. C'est ça le rythme des répétitions. De toute façon, pendant 15 jours, on ne vit plus. That's right, technical rehearsal. Oui, ce sont toutes les révisions techniques, les répétitions techniques. Getting the sound right, alors que le son right, soit parfait, costumes, que les lumières soient parfaites, que les costumes correspondent. Everything. Tout. C'est pas la première fois que vous jouez dans 42nd Street, je me trompe, hein? No, the second time. Non, c'est la deuxième fois. Quelle est la particularité de ce rôle? Ça me fait penser un peu à une star de cinéma que vous avez interprétée il n'y a pas longtemps dans l'adaptation de Sunset Boulevard à Londres. Hein. Yes, life imitating art. Oui, c'est ça. Vous savez, c'est la vie d'un artiste. Yeah, I find the characters quite similar. Je trouve que les personnages que Norma Desmond et Dorothy Brock sont assez semblables au final. Fading stars. Ce sont des stars qui disparaissent en fait, qui sont sur la fin de leur carrière, willing to live their moment qui veulent en fait avoir ce moment de gloire à nouveau, pouvoir goûter à cela. Can't give it up. Elles ne peuvent pas abandonner. Même si elles ont un croche-pied de la part d'une jeune débutante qui leur empêche d'aller jusqu'au bout. Pardon? Oh yes, absolutely. Out the way. Oui, ça, on les évacue, un bon coup de pied. Comment vous avez... on se demande toujours, comment avez-vous obtenu ce rôle hein, de Dorothy Brooke, Ray Jones? How did I get the part? Comment j'ai eu ce rôle, eh bien? I stepped in for Glenn Close. Alors, je suis venue pour Glenn Close. J'ai remplacé Glenn Close sur Sunset Boulevard. À Londres. À Londres. Ah, d'accord. Ouais. I was her standby. J'étais en fait sa doublure à l'époque. In London, at the Coliseum, à Londres, vous ouais. savez. And my first performance. Et lors de la première représentation, Jean-Luc était dans la salle. Ah oui, vous aviez pris vos billets pour Glenn Close et vous avez été hyper déçu. Vous avez demandé remboursement, Jean-Luc Choplin, c'est ça, comme tout le monde normalement, non? Non, tout le public. Quand on a annoncé que Glenn Close ne chantait pas, tout le public a dit our money back, our money back. Remboursé, en fait. Remboursé. Mais dès que Ria a commencé à chanter, la salle n'avait qu'une envie, c'est de lui faire une standing ovation. Et alors à la fin du spectacle, je me suis précipité dans sa loge, je me suis mis à genoux. C'est vrai ça, parce que... Et moi aussi, moi je me suis aussi mis à genoux. Et je lui ai dit, accepteriez-vous de and faire I, le rôle I dans Dorothy Brooke. Et j'ai commencé à pleurer, évidemment, j'ai commencé à pleurer. Je me suis tournée vers ma costumière et je lui ai dit, mais je n'ai même pas passé d'audition. And she just said, et elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses que tu as fait ces 2h30 là, juste avant? Alors, à l'autre spectre, bonjour Monique Young. Bonjour. Vous, mais je n'arrive même pas à le croire, vous jouez la jeune première. Et vous êtes sortie de l'école, d'une école de comédie musicale, une très très bonne école de comédie musicale à Londres qui s'appelle Arts Ed. Mais je n'arrive pas à croire, vous avez l'autre premier rôle de 42nd Street. Comment on fait? Quel était votre processus? I can't believe either. Je ne peux pas y croire non plus. I auditioned obviously for the part. And it is when I kind of got given it, I didn't realize actually how much m'a donné le rôle, je ne me suis pas rendu compte when, à quel point c'était important younger. Comme rôle. J'ai vu le film très jeune, hein, so pour I need, situer la need chose. The show. Et c'est vrai que j'ai été assez surprise après de savoir quel rôle énorme. Qu'est-ce que vous obtenu. Faites pour Qu'est-ce que vous faites dans une audition pour En quoi consiste une audition pour le théâtre du Châtelet? Well, you kind of get a call from your agent D'abord, saying vous avez un appel de votre agent qui vous dit vous avez une audition à passer. And you have Et to either prepare puis, a song, se préparer une chanson. Peut-être. In this case, because Peggy dances Alors, so much, comme Peggy there was a dance un rôle first. Tellement important et qu'il y a beaucoup de danse, surtout elle danse beaucoup, donc la danse était plus importante que le chant. And it was tap dancing. Alors, évidemment, des claquettes, comme vous le savez. And we had about two rounds of that. Alors, il y a eu d'abord deux essais de claquettes. And then sung, et and puis then la chanson. I was called back, et on m'a rappelé. For the part of Peggy, pour prendre le rôle de Peggy. With material, and, et là, il y avait un peu plus de densité, enfin un peu plus de choses à montrer. Hein. And I kind of found out that day that, et ce jour-là, that I got the part, j'ai compris que crazy. J'avais vraiment le rôle et je suis devenue mais folle. It folle de joie. Happen that way. Et je ne savais pas que ça marchait comme ça. Oui, effectivement. Eh bien, on est ravis de vous découvrir ici en France, Monique Young, et on va vous écouter avec un autre acteur que nous connaissons bien au Théâtre du Châtelet parce qu'il incarnait le rôle de Gene Kelly dans Singing in the Rain. Je vous propose découvrir un moment très émouvant au tout début du spectacle. Dan Burton incarne un acteur... un dragueur, et quand il voit la jeune débutante Peggy arriver, évidemment, il la drague avec une chanson intitulée I'm Young and Healthy, accompagnée par Gareth Valentine. I know a bundle of humanity, she's about so high. I'm nearly driven to insanity when she passes by, she's a funny little honey who's oh so hard to kiss. I'll try to overcome her vanity and then I'll tell her this. I'm young and healthy and you've got charms. It would really be a sin not to have you in my arms. I'm young and healthy and so are you. When the moon is in the sky, tell me what am I to do? If I could hate ya, I'd keep away. But it ain't my nature, I'm full of vitamin A. Say, I have an idea. You're not gonna get Andy Lee to audition you unless he's got no choice. Come with me. Well, you do know this song, don't you? Of course I do. Okay, kid, go to it. To what? Your first notes on Broadway. What are you looking for? My good luck scarf. I wore it when I was elected Miss Allentown. And Miss Junior Elk. Come on, kid. Sing! I'm young and healthy, and you've got charms. It would really be a sin not to have you in my arms. I'm young and healthy, and so are you. When the moon is in the sky, tell me what am I to do? If I could hate ya, I'd keep away. But that ain't my nature, I'm full of vitamin A. I'm young and healthy, and you got charms. It would really be a sin not to have you in my. Monique Young et Dan Burton, I'm Young and Healthy, en direct du grand foyer Archicomble, je dois le dire, du Théâtre du Châtelet. Alors, 42nd Street, qu'on va pouvoir découvrir ici à partir de jeudi, a été créé en 1980 à Broadway par un grand chorégraphe et danseur. On lui doit notamment Hello Dolly, Go Where Champion. Et on sait que dans une comédie musicale, voilà, l'ouverture donne le la, indique tout de suite au spectateur ce à quoi il doit s'attendre. Et l'ouverture de 42nd Street deviendra mythique parce que Gower Champion a l'idée, pour ce festival de claquettes qui est 42nd Street, eh bien, au tout début du spectacle, de lever le rideau, mais de très peu, 60 cm, juste pour voir les jambes de plusieurs dizaines de danseurs qui font des claquettes à l'audition. Alors, juste pour le plaisir, voici cette ouverture de 42nd Street, comme si vous étiez en 1980 à Broadway, qui plonge dans l'audition. Une musique que vous reconnaîtrez, puisque ce fut très longtemps le générique de 42e rue. We'll be right back. et Julianne Marsh. Voilà, vous êtes au tout début de 40 Second Street, le spectacle, une comédie musicale qui raconte l'histoire d'un metteur en scène qui décide de produire, de mettre en scène enfin un spectacle qui va peut-être lui apporter à nouveau la gloire. Et celui qui incarne Julianne Marsh, c'est Alex Hanson. Hello. Bonjour. Bonjour. Je m'en rappelle très très bien vous avoir rencontré parce que on a offert aux auditeurs de 42e rue, c'était il y a 3 ans, un voyage à Londres, des voyages à Londres pour aller vous voir dans une comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber qui s'appelait Stephen Ward et vous incarniez cet homme politique, on peut dire un peu véreux. Alex Hanson, on vous a vu également dans d'autres comédies musicales, une comédie musicale de Michel Legrand à Londres, jamais vue à Paris, qui s'appelle Marguerite. Et puis vous avez joué dans A Little Night Music de Stephen Sondheim, que ce soit à Londres ou à Broadway. Alors on peut pas dire que vous avez une grande partition musicale dans cette comédie musicale. Vous avez un énorme rôle à jouer, surtout. Qui est Julianne Marsh? I have a big voice. No, big part. Who is Julianne Marsh? Yes, it's a big part. Yes. Big part. Yes. Tell us who is it. Who Julianne Marsh? Yeah. Tell him about him. Julianne Marsh, he is. Vous voulez donc savoir qui est Julianne Marsh? Donc, Julianne Marsh a very famous, est un homme très célèbre, un réalisateur et directeur très important sur la scène de Broadway. Il a produit de très grands spectacles. Qui a eu moins de chance. Il a perdu son argent au moment du crash de Wall Street. Donc, il a rencontré des fours sur ses dernières comédies musicales. Et puis, il y a cette comédie musicale qu'on lui propose, Pretty Lady. Il voit un potentiel énorme dans cette comédie musicale. Mais donc, il a vraiment besoin de réussir. Alors, vous vous inspirez de quoi? Vous regardez quel film pour entrer dans ce personnage? Des vieux films des années 40, 50? Which movie? Well, in particular, the film. Le film départ, le film 40 Second Street est une source d'inspiration, bien sûr. Le grand Ziegfeld. And a couple of Jimmy Cagney. Et pas mal de films avec James Cagney. Alors, celui qui vous dirige musicalement, il est à votre droite depuis tout à l'heure. Il vous accompagne tous au piano. Il s'appelle Gareth Valentine. Et il a fait des choses formidables à Londres, notamment une très belle production de Gags and Dolls l'an dernier. Et vous étiez aussi le directeur musical de Singing in the Rain. C'était il y a 2 saisons, et l'an dernier d'ailleurs, au Théâtre du Châtelet. Vous pouvez un peu nous parler de ce compositeur, Harry Warren, parce que finalement, toutes les chansons qu'on entend, en tout cas beaucoup, sont jazzy et évoquent quelque chose, je pense, dans notre tête. Mais on ne connaît pas ce nom-là. Qui était-il? Harry Warren, first of all, his real name was Salvatore Antonio Giuliani. C'est son vrai nom. Donc c'était un immigré italien de deuxième génération. Son père a décidé de le rebaptiser Harry Warren. Il n'avait pas le profil que pouvaient avoir des compositeurs comme Cole Porter, Gershwin ou Berlin. Mais très jeune, il avait travaillé dans les studios de Vitagraph. Et à cette époque, il y avait beaucoup de muets. Vous savez, et il jouait le piano à côté donc du plateau pour pouvoir créer l'ambiance. Et ainsi les acteurs pouvaient répondre à cette ambiance que lui créait et jouer leur scène. Il a été le premier compositeur à travailler de manière complètement exclusive au sein de la MGM, des studios de la MGM. Il n'était compositeur que de leurs films. Il a travaillé avec Johnny Mercer, avec Gershwin, avec ces gens en fait qui étaient totalement géniaux. Et c'est vrai qu'il a remporté 3 Oscars et l'un d'entre eux était pour cette musique qu'on a entendue, Lullaby of Broadway. Alors dans la comédie musicale, si on regarde le film, on est surpris parce qu'il n'y a que 5 chansons dans le film en fait. Donc, or, le spectacle qu'on va voir à partir de jeudi comprend 12 de chansons d'Harry Warren. D'où viennent-elles hein? Les chansons que vous allez entendre sont des chansons qui ont été reprises d'autres compositions de Harry Warren et qui n'appartiennent pas forcément à 42e rue. Il y a 3 nouvelles chansons qui ont été introduites à la partition que vous allez entendre. Alors, et c'est vrai que dans les années 80, lorsque la comédie a été reprise, il y avait déjà 3 nouvelles chansons qui avaient été ajoutées. Et les 3 nouvelles chansons qui vont être ajoutées en plus, I Only Have Eyes For You, qui est l'une d'entre elles, Keep Me Young Beautiful, et la claquette, je ne me souviens pas, attendez. Je ne m'en souviens pas. What's it called? Plenty of Money. Voilà, c'est le nom. Yeah. quel orchestre vous allez diriger. Dans votre petite note d'intention du dossier de presse, il y a écrit un grand brass band au Châtelet. Ça veut dire quoi? C'est pas un orchestre symphonique alors? Tout d'abord, l'orchestre du Châtelet, je dois dire, il est tellement grand, il y a tellement de gens que je ne vois même pas la fin de l'orchestre, pour vous dire, hein, de la fosse. C'est tout à fait fantastique, c'est un orchestre. Nous avons quatre trompettes, trois trombones, trois cors, cinq saxos, et je pourrais continuer encore des heures cette liste. Ce qui est fantastique au Châtelet, je crois qu'il faut le souligner, notamment pour les musiciens, c'est qu'on a toujours un orchestre complet. Normalement, à l'heure actuelle, dans le West End, par exemple, aux États-Unis, on a un petit orchestre de 8-10 musiciens. Ici, nous avons un orchestre de 26 musiciens. Alors, on est impatient de découvrir ces orchestrations, mais ce matin, ce sont des versions piano-voix que vous nous offrez. Et Gareth Valentine, vous nous proposez justement de découvrir un petit peu mieux Harry Warren. Voici un ensemble de deux chansons inspirées par le train. Une est bien extraite de 42nd Street, et la seconde, je ne vous le dis pas, mais je pense que ça veut dire quelque chose pour vous. Gareth Valentine et toute la troupe de 42nd Street sur la 42e rue de France Musique. Bonjour, everybody. Hello. I'm going to need your help because I want you to be a choo-choo train. Donc, so we're going to rehearse this. J'ai besoin de votre aide dans le public. Donc, c'est choo-choo train. Et il va falloir que vous répétiez choo-choo. When I point at you, lorsque je mets mon doigt, like lorsque je lève la main, choo-choo. Vous faites choo-choo. Here we go. Let's have a rehearsal. On va essayer, d'accord? Après moi. Go. Again, ladies a little bit higher, men les a little femmes bit un peu deeper. Plus fort. J'entends mal les hommes un peu plus fort, s'il vous plaît. Fantastic, we're already vous êtes parfaits, nous sommes prêts à commencer. Here we go. Pardon me, boy, is that the Chattanooga choo-choo? Choo-choo! Track 29, boy, you can give me a shine. Choo-choo! Can you afford to board the Chattanooga choo-choo? Choo-choo! I've got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania Station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. And when you hear the whistle blowing eight to the bar, choo-choo! Then you know that Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Ooh, Chattanooga, there you are. C'était plus connu par l'orchestre de Glenn Miller, mais c'est bien Harry Warren qui a composé ce Chattanooga Choo-Choo en 1941. C'était pour un film qui s'appelait « Tu seras mon mari ». Voilà, on est en direct du grand foyer du théâtre du Châtelet pour ce concert exclusif, on peut le dire, avec la troupe de 42nd Street. On continue de découvrir le cast de cette production avec alors celle qui nous a complètement bluffé, pour ceux qui ont la chance d'aller voir « Chantons sous la pluie ». Elle s'appelle Jenny Dale, on peut lui faire une ovation parce que dans le film, dans le spectacle au Châtelet, elle incarnait la professeure de diction et alors elle était très très aride, très dure et puis tout d'un coup, au milieu de Moses the Posies, elle commençait à se dérider complètement et à faire un numéro de claquette absolument impossible. Alors dans le spectacle 42nd Street, elle incarne la compositrice du spectacle qui est en train de se faire, Pretty Lady. Et puis à ses côtés, eh bien, son associé, incarné par Carl Sanderson, c'est une chanson de 1933 de Harry Warren, intitulé, alors vous verrez, il y a même des petits mots de français dans les paroles, Keep Young and Beautiful. Mmh. What's cute about a little cutie? It's her beauty, not brains. Old Father Time will never harm you if your charm still remains. After you grow old, baby, you don't have to be a cold baby. Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful. If you want to be loved, don't fail to do your stuff with a little powder and a puff. Keep young and beautiful. If you want to be loved, if you're wise, exercise all the fat off. Take it off, off of here, off of there. When you're seen anywhere with your hat off, have a permanent wave in your hair. Take care of all those charms, and you'll always be in some guy's arms. Keep young and beautiful. If you want to be, oh, we want to be. If you want to be loved, reste jeune et belle. Si tu veux être aimé, reste jeune et belle. If you wanna be loved. Karine Desiemeru sur France Musique. Laurent Vallière. Jenny Dahl et Carl Sanderson. Alors, dans 40 Second Street, la comédie musicale, vous avez entendu, il y a tous les genres possibles, il y a du lyrique et puis il y a beaucoup de claquettes. Je vous propose juste, eh bien, pour en avoir une petite idée, d'entendre un extrait de la production de 2001. J'ai été voir, j'ai eu la chance d'aller aux répétitions cette semaine de 40 Second Street. Je peux vous dire que ce moment est absolument bluffant. C'est un moment où la jeune débutante Peggy se montre timide, naïve. Elle parle avec des collègues qui décident de la prendre en main et de lui montrer le métier dans un numéro intitulé « Go into your dance ». You will be, kid. If not this show, the next one. You're a looker, you can chirp like a bird, and you're pretty hot stuff in the steps department, too. You hoofers are the luckiest ones in the whole darn business. You've got all you need to cheer you up right there at the end of your ankles. If you've a melancholy case of the blues, I've got a remedy for you. If you've an ounce of rhythm down in your shoes, then I'll change your point of view. If you've been singing a sad and blue song, go into your dance until you learn how to sing a new song. Go into your dance. Don't be complaining. Shoot and go into your dance. girls, I'm busy. Too busy to dance? Il y en aura beaucoup au Théâtre du Châtelet dans 42nd Street à partir de jeudi. Bonjour Dan Burton. Bonjour. Bonjour Jenny Dell. Bonjour. Alors voilà, on vous a vu dans Singing in the Rain il y a un an, vous étiez formidable et vous faisiez déjà des claquettes. Mais alors on dit que 42nd Street, c'est le spectacle de claquettes. Est-ce que c'est vraiment, vous qui avez l'habitude de ce genre de danse, un spectacle plus éprouvant pour vous ? I would say yes. Je dirais que oui. Singing in the Rain was chantons sous la pluie. Alors évidemment, c'est très exubérant, c'est fantastique. Les numéros de claquettes sont impressionnants. Mais c'est vrai qu'on a tout donné. Hein. C'est vrai que là, on va encore plus loin sur ce spectacle. Et je pense que c'est encore meilleur. Et c'est pourtant difficile hein, que Singing in the Rain. Jenny Dell. I'm keeping it a secret. Et moi, j'ai un secret. Voilà, je ne sais pas si je vais faire des claquettes ou pas. C'est un petit secret entre nous. Hein. Ah bon, ben on serait déçus quand même. Hein. You have to wait and see. Il faut attendre et voir. Alors, j'ai parlé. Il faut acheter un billet et venir nous voir sur scène. Alors, j'ai eu la chance de parler au metteur en scène cette semaine. Il m'a dit, ah oui, alors les répétitions de numéros de claquettes, c'est comme l'armée. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de répétitions lorsqu'on se lance dans les claquettes. C'est même quelque chose que vous pouvez apprendre vite et faire sur scène très vite. Mais c'est beaucoup d'heures, beaucoup, beaucoup d'heures de répétition, de pratique et de répétition et de pratique et de répétition, de pratique et de pratique. C'est quoi le plus compliqué ? C'est que toutes les claquettes soient à l'unisson ? C'est d'être donc en accord avec tous les autres dizaines de danseurs ou est-ce que c'est... Ouais, l'idée, ce n'est pas seulement les pieds. Il y a aussi toute la ligne, en fait, l'ensemble, la ligne des musiciens, les bras, la position du corps, tout est revu. Tout doit être à l'unisson. Même également la façon, si vous tapez fort, si vous tapez doucement, ça aussi, ça doit être à l'unisson. Alors, j'ai perdu ma question en vous regardant dans les yeux, c'était affreux. Si, ça y est, j'ai retrouvé la question. Il y a quelque chose qui m'a absolument bluffé, mais qui me bluffe toujours à chaque fois. On vous apprend à sourire, évidemment. Tout le temps, même si vous avez mal aux pieds, vous devez sourire quand vous faites des claquettes. Oh, you always keep smiling. Ah oui, oui, il faut toujours rire, oui, oui, sourire, oui. No matter what happens, you keep smiling. Peu importe ce qu'il arrive, on continue à sourire. Dan Burton. I completely agree. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Voilà, vous pouvez avoir mal, vous pouvez avoir les doigts de pied qui saignent, vous continuez à sourire. Ça fait mal où ? Ankles, knees, alors les genoux, les doigts de pied, les yeux, les chevilles, le nez même vous fait mal. Alors celle qui s'est dévouée ce matin, je dois dire, on l'applaudit très fort. Elle s'appelle Monique Chiang. Parce que ce matin... Même s'il est 11h50 et 20 secondes, même si elle s'est couchée à 23h hier, enfin elle ne s'est certainement pas couchée à 23h, parce que les répétitions ont terminé à 23h ce matin pour les auditeurs de France Musique, Monique Young, la jeune débutante sur scène dans 42nd Street, vous propose un numéro de claquette intitulé « Plenty of Money ». Money and you. Monique Young. Elle sera Peggy dans 42nd Street au Théâtre du Châtelet et elle nous proposait ce matin en direct sur France Musique un numéro de claquette. On va continuer à découvrir cette nouvelle production qu'on va découvrir à partir de jeudi au Châtelet avec un moment extrêmement émouvant, je dois bien le dire, c'est la réunion entre la star déchue, si je peux dire ça comme ça, et la jeune débutante qui va prendre sa place comme vedette du nouveau spectacle. Rhea Jones, Monique Young, on vous disait qu'Harry Warren savait tout composer, du jazz, du blues aussi. When somebody's eyes look into your own, life begins when you get your guy all alone. From morning until twilight, I don't know I'm alive, but I know love begins at 8:45. The stars are gonna twinkle and shine this evening about 8:45. His loving arms are gonna tenderly twine around me about 8:45. I know I won't be late, 'cause at 8:30 I'm gonna hurry there. I'll be waiting where the lane begins, waiting for him on needles and pins. And then the world is gonna be mine this evening about 8:45. I know I won't be late, 'cause at 8:30 I'm gonna hurry there. I'll be waiting where the lane begins, waiting for him on needles and pins. And then the world is gonna be mine this evening. This evening. This evening. This evening. Rhea Jones, Monique Young, accompagnée au piano par Gareth Valentine. About 8:45. Quant à celui qui incarne donc Julian Marsh, ce producteur qui essaye de produire une dernière fois un spectacle qui va peut-être bien marcher et le remettre bien dans la carrière à Broadway, c'est Alex Hanson qu'on a découvert tout à l'heure qui l'interprète. Julian Marsh, j'ai l'impression, Jean-Luc Choplin, quand je lisais votre note d'introduction du dossier de presse, que vous prenez un petit peu ce rôle à votre compte, vous qui êtes directeur du Théâtre du Châtelet depuis maintenant 11 ans. Ben oui, c'est la fin. Donc voilà, je vais repartir dans la solitude du oui, carrément, vous directeur voulez pleurer, du producteur, en quelque sorte. Mais Alex fait ça beaucoup mieux que moi. Alex Hanson, c'est à vous. Come and meet those dancing feet on the avenue I'm taking you to, 42nd Street. Hear the beat of dancing feet. It's the song I love, the melody of 42nd Street. Little nifties from the 50s, innocent and sweet. Sexy ladies from the 80s, who are indiscreet. They're side by side, they're glorified. Where the underworld can meet the elite. Naughty, body, gaudy, spotty, 42nd Street. En direct du Théâtre du Châtelet, du Grand Foyer, bravo, bravo à Alex Hanson et bravo à toute la troupe qui était là ce matin. Merci à Rhea Jones, merci à Monique Young, Jenny Dell, Dan Burton, Carl Sanderson. Merci à Gareth Valentine au piano ce matin et merci à vous Jean-Luc Choplin. Alors notez qu'il y aura une conférence autour de 42nd Street animée par Patrick Niedo. Ça sera, je crois, mardi à 13h au Théâtre du Châtelet. Et figurez-vous que sur la page de 42e rue, l'émission de radio sur France Musique, vous retrouverez dans quelques heures la vidéo complète de cette émission et vous pourrez la voir en chair et en os, Monique Young, faire des claquettes à 10h du matin, à 11h du matin. Sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, vous retrouverez aussi les informations sur le spectacle et puis les photos de l'émission. Bref, rendez-vous sur francemusique.fr. Quant au prochain cabaret 42e rue, il aura lieu dimanche 11 décembre. Vous pourrez très bientôt réserver vos places. Je dis un grand merci à Paloma Goulemo pour la traduction. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, avec ce matin, ici au foyer du Châtelet, Adrien Gaza, Benjamin Perru, Stéphane Poitvin, Pascal Morel, Marion Guillemet et Martine Moni qui m'ont aidé à préparer cette émission, Camille Garin et Sofiane Merfou qui ont pris, eh bien, qui sont occupés de la vidéo, et puis Fabien Flora à la réalisation. Très très bon dimanche sur France Musique.